cours numéro 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-allama al-shaykh Hamoud al-Tawajri rahmatullah alayh, wa qala al-shaykh aydan fi mawdi'in akhar, ay al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dans le dernier dars, on avait lu le kalam al-shaykh أي ابن تيمية رحمه الله من أظهر المنكر وجب الإنكار عليه إلى آخره. أي هنا الشيخ حمود il a cité des adillah et des paroles de savants pour montrer la différence entre celui qui fait apparaître le munkar et celui qui ne fait pas apparaître. Le comportement qu'on doit avoir, c'est pas le même. Celui qui fait un péché en public, ولا يبالي بالناس, ça montre ses faiblesses, et ça montre son mal. Mais celui qui fait ce péché, lakin, il ne le fait pas en public, il se cache, il y aura un autre comportement. Et, fi hadha an-naql, que Cheikh Hamoud il a rapporté à Ibn Taymiyyah, huna, tafsil jamil. Qala rahimahullah. Wa qala al-shaykh Ibn Taymiyyah aydan fi mawdi'in akhar man fa'ala shay'an min al-munkarat kal-fawahish wal-khamr wal-udwan wa ghayr dhalik fa innahu yajib an inkar alayhi bihasab al-qudra kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Al-hadith ilayhi fi sahih Muslim an Abi Sa'id رضي الله تعالى عنه كما في الحاشية. Donc celui qui fait un munkar, que ce soit boire de l'alcool ou de l'injustice ou autre, فهذا الواجب c'est l'inkar عليه. C'est l'inkar عليه. Et on lui montre que هذا الشيء c'est haram. Et on lui montre qu'il doit s'arrêter. Et il a cité le hadith من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Celui qui peut avec ses mains, c'est ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé. Et hada c'est nadir illa les personnes dont tu es responsable, comme ton épouse, comme tes enfants, comme ton petit frère, illa akhri. Ah, ou là tu peux enlever le munkar avec al-yad dans certains cas. Amma ghayrhum, en général celui qui peut enlever bil-yad c'est al-sultan. En général, ça ne veut pas dire que autre que le sultan, ils n'enlèvent pas. Lakin, dans beaucoup de situations, l'haqiqa, l'insan, il est obligé de passer à la deuxième étape. Fa illam yastati' fa bilisan, avec la langue. Ça veut dire que tu vas lui dire, ittaqillah, hadha sa munkar, arrête, s'il ne le fait pas, s'il n'arrête pas, fa la shay' alik. Anta, tu as fait ce que tu devais faire. Hatta hadha, ça dépend de al-maslaha ou al-mafsada. Ou Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il a une risala fil amra bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Et il a démontré, et غيرهم من أهل العلم, أن si enlever un munkar, ça emmène un munkar plus grave, فلا يجوز. لا يجوز. De l'enlever avec sa langue, tu te tais. Si ça emmène un mal plus grand. Maintenant, tu vas dire à Fulan, arrête, et Robama, tu t'as fait emprisonner des mois. Et ouais, il faisait un munkar, il fumait, il buvait avec هذا الحال. Si ça peut te faire du mal, tais-toi. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا سأضعف الإيمان. C'est le plus bas degré de la foi. Et personne n'a d'excuse. لأن personne sait ce qu'il y a dans ton cœur sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, tu vois un munkar, là, chaque ça te touche en tant que mu'min. Ça te touche, أحيانًا, ça te blesse. لكن le fait de parler ou de l'enlever avec la main, هذا c'est autre chose. قال فإن كان الرجل مستترًا بذلك. مستترًا أي il ne le fait pas en public, il se cache chez lui ou dans un endroit, il n'y a personne. وَلَيْسَ مُعْلِنًا لَهُ. Non. Donc tu as قَوْلُهُ مُسْتَتِرًا et مُعْلِنًا. C'est deux opposés. L'i'lan, c'est le fait de faire apparaître en public, مثلًا. أَنْكَرَ عَلَيْهِ سِرًا وَسَتَرَ عَلَيْهِ. C'est ça le comportement qu'on doit avoir. Al-inkar, tu connais un musulman, il s'est caché, ou plutôt tu as rencontré un musulman, il s'est caché dans un endroit et il boit. Ah oui, il fume. Ah oui, il regarde une mauvaise chose. Et il pense qu'il est seul et un tas. Tu t'approches de lui, tu l'as vu. في هذا الحال الإنكار. Tu lui montres que c'est pas bien. Et تخوفه بالله. تخوفه بالله أن الله سبحانه وتعالى بصير سميع عليم رقيب. Tu lui montres. أن الله عز وجل le voit. Tu lui montres كذلك les méfaits de ce péché pour lui. Et أنه il se fait du mal qu'à lui. كذلك tu lui montres qu'il aura des comptes à rendre. Et كذلك et ça من باب الحكمة tu lui montres أن الله غفور رحيم. Tu lui montres أن s'il arrête il fait tawba, personne l'a vu. Et أنت tu n'informeras personne. Et Allah lui pardonne tout. Ça sera ولله الحمد que des mauvais souvenirs. كذلك من الحكمة أن t'essayes de lui citer un badil s'il y a un badil. Une chose qui remplace. Il fait une ma'asiya matalan, il regarde des mauvaises choses, tu le montres. Tu le montres, alhamdulillah. Allah shara'a al-zawaj, marie-toi. Et profite fi al-halal. Et كذلك, s'il écoute du haram, tu le montres, Allah subhanahu wa ta'ala shara'a lana. Bel c'est min a'zam al-ibadat, écouter du Qur'an, wa hakada. Tout ça c'est min al-hikma. Qala, kama qala al-Nabi sallallahu wa satara alayhi. هذا c'est la deuxième chose. انكر عليه سرا والستر عليه. فلا لا تفضحه. الله سبحانه وتعالى ستره. Et أنت tu es ربما le seul à l'avoir vu. Et الله سبحانه وتعالى il voit tout. فستر عليه. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. إلى سيتي الحديث لا نستعجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. والرواية المحفوظة ربما عندنا جميعا من ستر مؤمنا. قال إلا أن يتعدى الضرر والمتعدي لابد من كف عدوانه. Donc la base c'est que on n'a pas à l'afficher et كذلك on lui fait النصيحة. Et on lui montre que ce qu'il fait, c'est pas taillé. Ça, c'est le premier cas, celui qui se cache. Lakin, hatta celui qui se cache, in yata'adda dhararuh. Il se cache, il fait une chose de mauvaise, lakin cette chose de mauvaise, elle fait du mal à des muslimines. Il se cache maintenant et il vole. Et en fait, tu l'as vu, il n'y a que toi qui l'as vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadha al-hal, c'est autre chose. Limadha li, il fait du mal aux muslimines. Enfin, comment on doit se comporter? قال إلا أن يتعدى ضرره والمتعدي لابد من كف عدوانه. في هذا الحال c'est obligatoire que son mal il s'arrête. إما il va écouter le nos, on va le conseiller et il va arrêter. Et s'il a volé une chose, il la rend et il arrête son mal. Alhamdulillah, ça s'arrête là. قال وإما وإذا نهى المرء سرا فلم ينتهي. S'il ne veut pas écouter, فعلى ما يكنف ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين. في هذا الحال الهجر s'il ne veut pas écouter. الهجر bien sûr avec هذا القيد si c'est أنفع في الدين et les conditions qu'on a vues auparavant. Si c'est أنفع, si ça ne le pousse pas à faire encore plus de mal, si ça le pousse à faire plus de mal, probablement on ne va pas le boycotter. On va pas le hajar, lakin on va continuer. قال واما اذا اظهر الرجل. Et كذلك si il fait du munkar et ça fait du mal aux autres et il veut pas s'arrêter, al hajar si c'est nécessaire. Et à la kulli hal, s'il arrête pas, fa nasiha li ikhwanina muslimin. Ça c'est parmi les cas, ان le dénoncer ou parler de lui, ça fait pas partie de l'ghib. كما بين الامام النووي رحمه الله عليه وغيره. في هذا الحال on dit ان فلان attention, il vole. Il ne veut pas écouter, on l'a conseillé, satarna, et ma arada illa fadihataha, fi hadha al-hal, on montre son hal. Qal wa amma idha adhar ar-rajul al-munkarat, wajab al-inkar alayhi alaniya. Amma celui qui fait du munkar en public, fa wajab al-inkar alayhi alaniya. C'est obligatoire de mettre en garde contre lui, wa al-inkar alayhi, de montrer son shar alaniya, en public. Limadha li anna lui-même fadaha nafsa. Lui-même, il ne se cache pas. Donc, on montre en public. كذلك. قال ولم يبق له غيبة ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه من عن ذلك من هجر وغيره. نعم. أما هذا, c'est واضح. أن هذا, même si on parle sur lui, on met en garde contre lui, c'est pas من الغيبة. لماذا؟ لأنه سامفسد. Et كذلك, il fait du mal aux autres et il ne veut pas écouter. فهذا يهجر si une مصلحة. Et on montre son حال. قال ولا يرد عليه السلام. C'est pour ça que Cheikh Hamoud il a cité هذا الكلام هنا لأن فيه فيه دلالة على الهجر. قال إن إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. On revient toujours. S'il y a une maslaha, il n'y a pas de مفسدة. أما لو faire du هجر il y a une مفسدة عظيمة. في هذا الحال, on lui passe le salam. لكن كما تقدم. En montrant aux musulmans son hal et en le conseillant. Et من هذا الباب الرد على أهل البدع والأهواء. بعض الناس à cause de leur ignorance, ils connaissent pas mitl hadha al kalam. Et بعض الناس يملون شطوف الحقيقة في هذا الباب. Ils pensent que si واحد من العلماء أو من طلبة العلم أو من المؤمنين ils montrent l'égarement d'un égaré, on parle si c'est un musulman, مثلاً il dit ça c'est من الغيبة والنميمة. Pourquoi vous parlez sur votre frère? Comme ils envoient de messages les hadal ma'ana. Tu rends à un mubtil, un munharif, un zalim, qui fait beaucoup de mal aux musulmans. Et wa'adhum, vu que c'est des fanatiques, c'est des ignorants, vu qu'ils suivent cet homme avec passion, il a arrêté, il a qu'on mais pourquoi tu parles sur lui en public? Pourquoi tu ne le conseilles pas entre toi et lui? On parle sur lui en public, les anna, il parle en public. Anna, je veux parler avec lui, moi et lui, il accepte pas, ils sont calam. Même s'il accepte, il faut qu'il retire tous les audios et il montre son hal. Fi hadha hal, personne parlera sur lui. Maintenant, le mubtil, il fait tawba. Et il dit, moi, tous mes doros, tout ce que j'ai propagé, c'était de l'égarement, n'écoutez plus. À notre époque, il aura du mal à tout retirer. Avec les réseaux sociaux, ça se propage très vite. Lakin, il fait un bayam et on propage son bayam. Et on n'a même plus besoin de le critiquer, il y en a lui-même, il a montré. Ses suiveurs, on leur dit, regardez, celui que vous suivez, قال, Alhamdulillah, intahina. Ammahum, là, faut que tu te taises. Et le haqiqa, pour pas te dire de te taire, il y en a, ils savent que tu vas leur dire, nasiha, les preuves, elles sont claires, ils vont te dire, mais conseille-le entre toi et lui. Là, on montre son hal. Et si lui, il veut écouter, écoute le conseil. À la base, il est pour toi. Et bien sûr, si on peut le rencontrer, il a akhiré, fa, la bas, lakin ahyanan. Imma tu le connais pas, imma tu n'as pas son numéro, imma muhim. Muhim, le fait de répliquer sur lui, s'il est sincère, il n'y a aucun mal. Il prend le kalam, si c'est haq, il l'accepte. Et normalement, il doit être reconnaissant envers celui qui l'a réfuté. Si le kalam il est faux, montre pourquoi. Amma haoula al-dhai'in, les nouveaux prêcheurs, l'an, sur internet, al-dhullal, haoula la-rad. Là, ils veulent que tu parles sur eux, là. Pour eux, c'est leur principe, la tolérance, chacun fait sa da'wa. Et tu me respectes, je te respecte. C'est des ikhwan, comme à taqaddam. Nashtami'i fima attafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima akhtalafna fihi. Ça, c'est qa'idatul ikhwan. On s'entraide dans ce qu'on est d'accord. Ce qu'on n'est pas d'accord, tu m'excuses, je t'excuse. Je te trouve des excuses, tu me trouves des excuses. C'est pas ça, din al-rasul, alayhi wa sallam. Man ra'a munkum munkaran fal yughayyirhu. Avec la langue, avec des redoutes, avec la main, en écrivant. Et avec le cœur, on déteste le bida. Hada. Amma, qawl haoula, il est ajib. Sahih, anna haoula, ils te disent cela, maintenant, quand tu fais un rat. Et hum, s'ils veulent vraiment du bien, au lieu de prendre le rat, et le présenter à leur shir, à leur imam, à leur prof, et ils lui disent, regarde, nous on a écouté, écoute, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Si c'est vrai, ils lui disent, va tub ila Allah. Il a parlé bihaq. Si c'est pas vrai, il leur montre, et puis, après, il te montre, là, tu t'es trompé. Amma haoula la. Al-Haqiqa, il dit ça pour que Ahlul Haqq, il se taise. Falihada, al-Rad ala Ahlul Bida, c'est un djihad. Min hada al-Bad. Un djihad contre haoula al-Zalama. Qala wa yambaghi li Ahlul Khayr wa al-Din an yahjuruh mayyitan kama hajaruh hayyan idha kana fi dhalik kaffun li amthalihi min al-Mujrimin. Anzur, al-Hajr hatta après la mort. Al-Hajr, hayyan, quand il est vivant, kadhalik quand il meurt. Ça sera sa janaza. فلهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره من السلف يديز بيننا وبين أهل البدع الجنائز أو الجنازة أو يوم الجنازة entre nous et eux le jour de الجنازه. Il meurt, je ne le visite pas et plutôt il meurt, je n'assiste pas. لماذا لأنهم يفزد المال vivant فأبخل أمور يميرت بهذا. Et bien sûr il y a quelques détails qu'il a cités هنا. قال فيتركون التشيع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم كمن قتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم celui qui s'est suicidé à son époque, النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر. كذلك celui qui avait des dettes, ربما il va citer quelques exemples. قال وكما قيل لسمرة بن جندب رضي الله عنه إن ابنك لم ينم البارحة بشما فقال لو مات لم أصلي عليه لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه. قوله بشما قال في الحاشية أي شبعا. في النهاية لابن الأثير قال البشم أما هنا بسكون الشين أما في النهاية فبفتح الشين. قال التخمة من الدسم. دونك قوله إن ابنك لم ينم البارحة بشما أي ils ont informé Samura à son fils il a pas dormi la nuit dernière أي من كثرة الأكل من كثرة الأكل. Et تعلمون أن كثرة الأكل ça peut faire du mal à l'être humain. فلهذا قال Samura رضي الله عنه. Et avec cette explication vous allez comprendre inshallah l'athar. فقال لو مات أي s'il serait mort à cause de ça لم أصلي عليه. Et là, il leur a dit, s'il serait mort à cause de cela, je n'aurais pas fait salat sur lui. Limada, قال لأنه أعان على قتل نفسه. Limada, لأنه, ça a été une cause, il s'est fait du mal à lui-même et il est mort. فكأنه قتل نفسه. قال فيكون كقاتل نفسه. فيكون كقاتل نفسه. Aïe, c'est comme s'il avait tué son nefs. Aïe, c'est comme s'il s'était suicidé. Et ينظر هذا الأثر, est-ce qu'il est صحيح أم لا؟ على كل حال, فيه فيه هجر أو إرادة هجر سمورة لابنه سيسوغ موقع على هذا الحال. ونادي أدلة واضحة. قال وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وكذلك هجر الصحابة الثلاثة أي هجر الصحابة الثلاثة. نعم دونك الصحابة إذن في الهجر أطخوة أي كعب رضي الله عنه وصاحبيه الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير. دونك هذه المسألة معروفة كما قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين. دونك تستفيد من هذا أن سي با نيمبورت كي كي ديليس صلاة الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديليس صلاة الجنازة إلى با في الصلاة sur certains à cause des dettes ou واحد كي سي سويسيدي ou autre. Et les Sahaba radiyallahu anhum, ils faisaient le salat. Ça montre que si on est dans une ville et il y a un cheikh qui est respecté, ou l'imam, ou quelqu'un qui a un certain rang et tout le monde le respecte, et il n'assiste pas à salat, et les gens ils vont demander, l'imam il n'a pas assisté à salat, le but c'est quoi? Pour que ceux qui sont vivants et qui font la même chose, ils réfléchissent. Ils disent, nous, si demain on meurt, ربما يفرى بالصلاه sur nous. Et le mu'min il aime que ses frères ils font salat sur lui. Ay yad'un lahu wa yastaghfirun lahu. Fa c'est min hadha al-bab. Amma que tout le monde ne fasse pas salat. Ça c'est mukhalafa li hadi as-sahaba radiyallahu anhum. Et thalithan la yajuz aw thaniyan la yajuz si une mafsada. Ba'd an-nas ahyanan ils lisent mitl hadi al-ahadith et ils comprennent pas et ils sont dans une ville et ils font hadha al-hajr. Un mu'min min al-mu'minin il meurt et ربما il avait du ضعف, il faisait certains péchés, il a akhir, ils n'assistent pas à sa janaza. Limada li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait pas janaza sur certains qui ont fait telle chose. Lakin as-sahaba radiyallahu anhum il faisait thaniyan la mafsada. Thumma li muslimun ils voient, ils disent undur ha'ula, ils ont pas de rahma pour le vivant ni pour le mort et ça fait une mafsada azima. Thumma ce tawhid que tu veux leur montrer, cette sunna que tu veux propager, ils te rejettent. Enfin, c'est pas ça. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est afdal al-bashar. Et là, je sais, quand il a fait le hajr, ça a touché tout le monde. Fahakada, si on est dans une ville et celui qui fait le hajr, ça touche, il y a une maslaha. Tamam, amma, s'il n'y a aucune maslaha, fayusalla alayhi. Ben, il a besoin de notre dua. Il a besoin de notre dua. Falihada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith, qala lahum, sallu ala akhikum. Faites salat sur votre frère. Il l'a appelé akh. Ah, al-Ba'di mélange tout. Al-Ba'di, ils sont va'ifs. Ils sont déjà mal vus. Même s'ils font du khayr, les gens, ils les critiquent et ils déforment ce qu'ils font, mais ben, look, ils vont appliquer hada. Alors, je sais que les gens, ils vont prendre cela comme preuve pour démontrer qu'ils sont mauvais. Al-ilm, c'est important. Et al-asl, c'est de faire salat. Maintenant, on a un autre cas, t'as un doute. Fais salat. Al-asl, c'est un musulman, fais salat. On ne sort pas de hada, al-asl, illa bi-hujja. Maintenant, cet exemple que le Cheikh al-Islam, il a cité. Hada, خلاصة هذه المسألة. قال وحديث سمرة رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ رحمه الله رواه الإمام أحمد في الزهد من طريق الحسن قال قيل لسمرة رضي الله عنه فذكره. نعم فإلى ستي هنا التخريج أي في الزهد للإمام أحمد من طريق الحسن. هذا سي سامبل أتخوفي إن شاء الله سيون التو. هنا إلى دنينا ديكاسيون. قال فإن قيل فما الفرق بين المستتر الذي لا يجوز هجره وبين المعلن بكسر اللام الذي يسن هجره. في الحقيقة هنا الشيخ حمود يبغى يمونتري لا ديفيرونس انتر المستتر و المعلن. Et c'est quand que l'insan il est considéré comme معلن. قال فالجواب ما قاله ابن عبد القوي رحمه الله أن المستتر بالمنكر هو من فعله بموضع لا يعلم به غالبا غير من حضره إما لبعده أو نحوه. Donc هذا c'est le مستتر. Celui qui fait un munkar et les gens ils ne le voient pas. إما il est dans un endroit seul, إما il est loin. المهم c'est pas devant tout le monde. قال وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر. أما سي même si c'est chez lui لكن les gens ils l'entendent أو ils sentent savent qu'il fait un munkar, ففي هذا الحال il n'est pas considéré بمستتر أنه il se cache, بل c'est comme s'il le faisait en public. شيخ حمود il a détaillé هذا. قال وهذا تفريق حسن ينبغي اعتباره على هذا فإذا كانت الدار يسمع منها الغناء وأصوات الملاهي فصاحبها معلن مجاهر يسن هجره أو يجب. مثلا واحد il est tout seul chez lui, tu le vois pas انت, لكن il met la musique très fort et tout le monde entend dans la rue c'est بيت فلان, on sait que c'est فلان. هذا il est considéré أنه il a fait ce péché en public. هذا معنى هذا الكلام. قال وكذلك إذا كانت آلات اللهو أو أواني الخم أو أدعية الدخان الخبيث أو آلات شربه ترى في الدار لا يخفيها صاحب الدار عن الداخلين أو كانت رائحة الدخان الخبيث أو غيره من المسكرات توجد من في أحد من في أي من فمه. كذلك si il est dans un appartement et on sent l'odeur de certaines drogues ou de la cigarette il est considéré أنه يفصل en public. لماذا لأنه il fait rien pour se cacher. بعض الناس ceux qui fument مثلاً ils veulent vraiment se cacher. بعضهم ils font des causes, ils vont loin et là après حتى personne sent. هذا il est considéré là où il se cache. Enfin, on a le comportement si on le voit. أما هذا la fenêtre elle est ouverte, tu sais que tout le monde sent et là il va aller. هذا كما قال الشيخ يهجر si y a une مصلحة et s'il n'y a pas de مصلحة فتout ce qu'on a vu auparavant. قال فصاحب ذلك معلن مجاهر يسن هجره أو يجب. وكذلك إذا كان الرجل يسلم على أهل البدع أو يماشيهم أو يجالسهم أو يأنس بهم أو يدخل عليهم في بيوتهم أو يدخلون عليه في بيته وهو عالم بحالهم فإنه معلن مجاهر بالمعصية يسن هجره أو يجب. كذلك celui qui fréquente المبتدع. لماذا؟ لأنه سين معصية إلى بالله. كذلك il peut se faire beaucoup de mal. كذلك il leur donne de l'importance et c'est devant tout le monde. Et هذا الباب إن شاء الله. Cette masala, c'est le prochain bab qu'on lira ensemble pour conclure ce livre. Bitawfiqillah. قال أبو داود قلت لأبي عبد الله أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع أترك كلامه؟ قال لا. أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. هذا الأثر فيه فوائد. La première, أنه لا يجوز de fréquenter أهل البدع. الإنسان يحذر. Sunna c'est une ni'ma. Ne te mélange pas avec Ahlul Bida. Que ce soit un Soufi, que ce soit un Ikhwani, que ce soit un Tablighi, que ce soit un Khariji, que ce soit un Hizbi Munharif. Trukhum. Est-ce que on lui fait le Hajr? Qala l'imam Ahmed, la. C'est un kalam tayyib. On ne parle pas de Ahlul Bid'a, on parle de هذا السني qui marche avec le Mubtadi'. Est-ce qu'on lui fait l'hajr? Là. قال أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه ربما التبس عليه. Ça, ça nous montre qu'on ne doit pas se précipiter. On a vu notre frère sunni avec un munharif et khalas. Il marche avec Ahlul Bid'a. Et forcément, c'est un munharif. Là, on lui montre. Robama il savait pas, Robama il tabasse alay, Robama il a une faiblesse, Robama il a pas osé le repousser, Robama muhim. On lui montre ya akhi atruk. Hada ça te fait du mal. Et c'est pas min manhaj as-salaf. Qala alladhi ra'aytahu ma'ahu sahib bid'a. Hada ya une autre faida azima, annahu la bud min at-tahqiq fi hada. C'est pas on voit notre frère avec un autre et l'autre, on sait pas trop son hal et on dit à notre frère pourquoi tu marches avec ce munharif. Alors on sait même pas, on n'a pas de ilm que c'est un munharif. Là, si on sait pas, on peut lui dire on se renseigne, nandur. Naam. Si on sait que c'est un sahib bid'a, on se comporte à kada, on conseille notre frère qui marche pas. Amma si on sait pas, فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Fais attention à la précipitation. قَالَ فَإِنْ تَرَكَ كَلَامَهُ وَإِلَّا فَأَلْحِقْهُ بِهِ. S'il ne reste pas, il ne veut pas lui laisser. هذا شيء آخر المرء على الدين خليله. S'il les fréquente et il veut pas revenir, on le conseille, écoute, c'est qu'il est comme eux. وإلا بي تتسترى leur bid'a et leur قول, il marcherait pas avec eux. وقال ابن مسعود رضي الله عنه المرء بخدنه. Et on a cité قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على الدين خليله والمرء بخدنه. أي المرء l'homme, la personne, elle est avec celle qu'elle côtoie. Si côtoie Ahl al-Sunnah, en général, c'est qu'il aime Sunnah. Et il est à la Sunnah, c'est ça la base. Si fréquente Ahl al-Bid'ah, si on lui a montré, c'est qu'il est commun. Soufyan, al-Thawri, radiallahu anhu wa rahimahullah, marra, il a demandé sur une personne. Il est arrivé dans une ville et il a demandé. An rajulin, hal fulan, ils lui ont dit, yuhib Sunnah, yuhib Ahl al-Sunnah, il est à la khayr. Thumma qala Soufyan, il marche avec qui? C'est qui ses compagnons? Ils lui ont dit, il marche beaucoup avec le Qadariya. Qala fa huwa Qadari. Hakada hukm al-a'imma. Limada? Lianna s'il marche avec le Qadariya, c'est que c'est un Qadari. Wa illa, s'il connaît leur hal, limada il marche avec eux? Hada ma'na kalam al-shaykh huna. Wa qala Abdullah ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Saydawi. Qala li Ahmad, ay l'imam rahimahullah. Ida sallam al-rajul ala al-mubtadi' fa huwa yuhibbuh. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا استنباط قوي. Celui qui passe le salam à Mubtadi' c'est qu'il l'aime. On va pas rentrer dans la مسألة الآن les مصالح les مفاسد tout ça تقدم c'est une مفسدة أم لا. لكن on reste sur l'أصل. مثلا il y a une مصلحة عظيمة de lui faire le hajj, de lui pas passer salam, donc on ne lui passe pas salam. Celui qui lui passe salam c'est qu'il l'aime. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم. النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré une chose, si on l'a fait on va s'aimer. C'est quoi? C'est السلام. Ça nous montre من أسباب المحبة c'est السلام. Si tu passes le salam à ton frère et il te répond, là je sais que ça augmente المحبة. C'est pour ça que هجر المبتدع c'est مشروع. لأن on le déteste par rapport à sa bid'a. Et هذا الباب بإذن الله عز وجل c'est le prochain chapitre. Et c'est le dernier. Et il est assez court. Inch'Allah ta'ala. À partir du prochain tars, on commence la lecture. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlihi wa naktafi bihada. Walhamdulillahi rabbil alameen.